Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémouzo pour cette nouvelle édition de l'heure des Loulas quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Et pour l'émission de ce soir, on va parler histoire, on va parler patrimoine et surtout généalogie avec Simone Rémy-Chaplin et Françoise Baquet. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, vous faites partie... Ah, on entend, on va peut-être fermer la fenêtre courant de l'émission. Donc, comme je le disais, on est là hein, ce soir pour parler d'un club ou d'un cercle de généalogie, celui d'Épinal, l'anglais, enfin, l'anglais plus précisément. Et avant toute chose, j'aime bien un petit peu que mes auditeurs sachent un petit peu qui ils écoutent. Alors, j'aimerais bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Bah, Simone, pardon, à vous l'honneur. Donc, je m'appelle Simone Rémy-Chaplin, j'habite à l'anglais même, et je suis la présidente du Cercle Généalogique depuis à peu près 5 ans. Donc, vous êtes la présidente, et vous, Françoise ? Eh bien, c'est donc Françoise Baquet, je suis retraitée de l'éducation nationale, et j'ai deux principales occupations, la généalogie, et par ailleurs, je suis trésorière d'un club de marche. Et en ce qui vous concerne toutes les deux, ça fait longtemps que vous faites de la généalogie ? Moi, ça fait 20 ans. Ah oui, quand même. Et moi, vous, Françoise ? Moi, c'est un petit peu moins quand même. C'est d'ailleurs une amie qui en fait depuis 20 ans, qui m'a entraînée dans ce tourbillon, je dirais, parce qu'une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus. Et c'est depuis 2012. Donc, ça fait quand même 6 ans maintenant. Oui, c'est sûr. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Et comme on le disait un petit peu plus tôt, Simone, vous êtes présidente de l'association depuis 5 ans, si oui, j'ai bien compris. Près, Et vous, Françoise, au sein de l'association, vous êtes adhérente ou vous avez aussi d'autres responsabilités ? Alors, je suis adhérente, je travaille pour le cercle et je suis aussi au conseil d'administration. Donc, ça fait plusieurs casquettes au sein de cette association, parce que d'ailleurs, ce cercle généalogique de l'anglais est une association. Simone, dites-moi, vous savez depuis quand cette association existe ? Depuis l'année 2000. Donc, ça fait 18 ans maintenant. 18 ans. Donc, bon, cette fois, ces calculs sont assez simples, parce que je pense que certains d'entre vous savent que les maths et moi, ça fait un petit peu 36. Ça fait 20 ans que vous faites de la généalogie. Donc, est-ce que vous avez vu la création du cercle généalogique de l'anglais ? Oui, j'étais déjà présente à l'occasion de la création. Et est-ce que vous savez pourquoi ce cercle a été créé ? Au départ, on faisait partie du cercle de charme. Et puis, on s'est séparés en deux pour en créer un autre. Et heureusement d'ailleurs, parce que maintenant ça a pris une telle ampleur qu'on aurait du mal à gérer deux cercles en même temps. Parce que si vous vous êtes séparés, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde ou qu'il y avait beaucoup de travail ? Non, une question d'affinité, tout simplement. Ah, voilà. Voilà. Sans entrer dans les détails. Et en parlant de généalogie, c'est vrai que je pense que tout le monde est content de savoir quel est son arbre, donc de qui il descend. Mais pour savoir de qui on descend, il faut que le travail soit fait en amont, soit par soi-même, soit je pense par des cercles généalogiques comme vous. Donc en quoi ça consiste le cercle généalogique de l'anglais ? Ben, le but d'une généalogie, c'est quand même de la faire soi-même, parce que c'est important. Mais le cercle généalogique est là pour aider les adhérents à faire leur généalogie. D'abord, leur donner la méthode, parce qu'il y a une méthode. On ne se lance pas comme ça dans une généalogie sans être, je dirais pas maniaque, mais régulier. Méthodique. Oui, méthodique. Et il faut déjà commencer par faire l'ossature de l'arbre, c'est-à-dire les mariages de tous ses ancêtres. Il faut chercher uniquement les mariages. Et après, on continue par chercher les naissances et les décès. C'est une organisation bien précise. Hein. Et chaque ancêtre est numéroté. Donc, on s'y retrouve toujours. Les masculins ont des numéros pairs et les féminins ont des numéros impairs. C'est-à-dire que le père du numéro 2 est le numéro 4, le père du numéro 4 est le numéro 8, et le père du numéro 8 est le numéro 16. C'est toujours multiplié par 2. Et la même chose pour les femmes. Donc, on s'y retrouve toujours avec les numéros. Et c'est très important de commencer par là. Par ces numéros, parce que comme vous l'avez dit, c'est une méthodologie assez... assez fastidieuse ou du moins... Rigoureuse, voilà, tout simplement. Rigoureuse. Pas compliquée du tout, mais rigoureuse. Il faut peut-être un certain temps pour l'intégrer quand on débute complètement dans la généalogie. Ben, c'est-à-dire que quand on débute, on voudrait tout trouver tout de suite, alors qu'il faut y aller tout doucement. Et dites-moi, en ce qui concerne vous toutes les deux, donc ça fait... Donc, ça fait 6 ans et 20 ans que vous faites de la généalogie. En ce qui concerne vos familles, parce que si vous avez commencé, j'imagine que c'est pour vos familles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être jusqu'où vous avez réussi à remonter chacune votre tour ? Peut-être Françoise, qu'on n'a pas encore beaucoup écouté. Eh bien, écoutez, pour une branche du moins, je suis remontée jusqu'en 1595. Mais c'est loin d'être le cas pour toutes les branches. Ça demande évidemment beaucoup de travail et j'ai un handicap notamment du côté de mes grands-parents maternels, c'est qu'après un certain temps, j'atterris en Allemagne. Et donc là, c'est plus difficile. Je ne sais pas encore comment il faut que je m'y prenne pour faire des recherches en Allemagne, quoi. Voilà. 1595, quand même, c'est vertigineux, c'est au niveau de la Renaissance, si on reprend ces cours d'histoire. Tout à fait, Voilà, se dire, enfin, je ne sais pas ce qui vous concerne. On a du mal d'ailleurs à imaginer ce temps-là, quoi, disons. Oui, justement. Oui, tout à fait. C'est comme je le disais, vertigineux. C'est très vertigineux. Et vous, Simone, jusqu'où êtes-vous remontée ? Moi, je suis remontée à peu près jusqu'à 1700. J'ai pas d'année bien précise, aux alentours de 1700, comme tout le monde, hein, parce qu'on peut tous remonter à peu près pareil. Mais j'ai une branche italienne, donc il a fallu que je travaille l'italien, c'est-à-dire que j'ai pris des cours d'italien. Je suis allée en Italie retrouver des cousins. Donc ça mène à beaucoup de choses. Hein. Oui, ça doit... Même à apprendre une langue. En effet, parce que il y a Françoise qui est d'un côté, on l'a bien entendu, bloque un petit peu pour faire des recherches du côté de l'Allemagne. Vous êtes remontée, vous avez continué les recherches en Italie, parce que je pense que s'il y a quelque chose qu'on voit aussi en faisant de la généalogie, c'est que les familles bougent. Je pense qu'un Français pur souche 100% depuis la nuit des temps, ça n'existe pas. Tout à fait. Pratiquement pas. Donc c'est important. J'ai eu un monsieur hier qui m'a dit que ça n'avait jamais bougé, mais bon, c'est rare, très très rare. Ils vont au moins à 50 km, donc. Est-ce que pour faire des recherches en fait pour la généalogie en Italie, donc ce qui vous concerne vous, est-ce qu'il y a des lois qui font que c'est peut-être un petit peu plus compliqué ou d'autres manières de procéder quand on veut faire des recherches généalogiques à l'étranger? Pour nous, Français. C'est toujours plus difficile à l'étranger, c'est vrai. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir le village d'où viennent mes ancêtres et jumelé avec Saint-Amé, c'est Schignano en Italie. Donc, nous, on avait encore des cousins là-bas qui m'ont donc un petit peu aiguillée, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à partir de 1867, si j'ai bonne mémoire, c'est à la mairie. Mais avant, tout se passait chez monsieur le curé, à l'église. Donc, tous les registres sont à l'église. Donc, il faut y avoir accès. Une fois qu'on y est, ben, on n'a plus qu'à faire les recherches. D'ailleurs, petit point histoire. Est-ce que vous saurez peut-être me dire à moi et aux auditeurs pourquoi d'un moment à un autre, les registres basculent de basculent en fait et passent de l'église à la mairie. Ben en France, c'est tout simplement la Révolution française. Hein. Donc depuis maintenant jusqu'à la Révolution, c'est les actes d'état civil qu'on trouve en mairie. Mais avant la Révolution, c'était les actes paroissiaux qu'on trouvait à l'église. Donc, en remontant ces cours d'histoire, la Révolution française a une part importante dans la scission, encore un bon siècle plus tard, entre l'État et l'Église. Oui, ça, c'est très, et la période révolutionnaire est très difficile, parce qu'il y a bien sûr le calendrier républicain qui perturbe un peu. Hein, donc, il faut apprendre aussi un petit peu à lire un calendrier républicain. Je vous dis que ça amène à beaucoup de choses, la généalogie. Oui, justement, en fait, ça amène à une de mes questions. En fait, à quel point ça peut être fastidieux, en fait, de retracer son arbre ou celui d'autres personnes? Parce que ça, on va en parler aussi. Vous le faites aussi pour d'autres. On ne fait pas les arbres complets pour d'autres personnes. On les aide quand ils sont bloqués. D'accord. On leur donne la méthode pour se débloquer, si on veut. Parce que, bon, on trouve toujours, hein, finalement, mais il faut y arriver, quoi. Mais faire notre arbre généalogique, c'est pas fastidieux du tout, parce que, vous savez, c'est comme un fil qu'on tire, hein. Quand on trouve quelque chose, ben, on tire le fil pour aller chercher un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc, c'est jamais fastidieux. D'ailleurs, tant que j'y pense, enfin, c'est jamais fastidieux parce que vous avez trouvé la méthode pour le travail, c'est bien ça pour, Ça prend beaucoup de temps, si c'est ça que vous voulez dire. Oui. Ça prend énormément de temps. Hein. C'est pour ça que dans notre cercle, il y a beaucoup de retraités. Oui, parce qu'il faut du temps. Ça, je veux bien l'entendre, je veux bien le comprendre. Et en soi, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'il y a peut-être une certaine évolution? Parce que c'est vrai que vous l'aviez dit, tout était dans les états civils, dans les états paroissiaux. Je pense que le terme est juste. Oui. Donc, il fallait, j'imagine, se déplacer. Ben, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une vingtaine d'années, on commençait par l'état civil, donc on allait de mairie en mairie pour chercher les actes de mariage, naissance et décès. Et puis maintenant, ça s'est beaucoup, on va dire, démocratisé, si on veut parler comme ça. Et il y a beaucoup de choses sur Internet maintenant, donc, comment dire, on fait des recherches. Comment expliquer ça? C'est difficile à expliquer. On va sur une base de données, on tape le nom du mari, on tape le nom de la femme, et normalement, le mariage apparaît, mais au milieu d'autres. Hein. Donc, il faut trier par le nom de la femme pour être sûr que ce soit le bon mariage. Maintenant, tout se fait par Internet. On ne va plus du tout dans les mairies. En plus, les archives départementales ont mis les actes en ligne, donc on ne se déplace même plus aux archives départementales. Ou presque plus. Donc en fait, ce que vous disiez, et je vais peut-être aussi laisser la parole à Françoise brièvement, avant qu'on passe à la première pause musicale, avec l'informatique, en fait, l'informatisation, ça a quand même facilité d'une certaine manière les démarches. Tout à fait. On fait on fait des relevés pour les cercles. Hein. On a d'une part un ordinateur qui sert à avoir les archives sous les yeux, et parallèlement à ça, on recopie sur une application spéciale, je dirais, et tous les actes de mariage, de décès, de naissance, et ensuite cette application est contrôlée, corrigée, et elle est envoyée donc sur à l'UCGL, l'Union des cercles généalogiques, qui elle l'envoie sur sur Internet. Sur Internet, on en a parlé un petit peu, une plateforme Philae, c'est bien ça ? C'est Philae, oui, absolument. Une plateforme Philae sur laquelle on pourra parler un petit peu plus longuement après la première pause musicale. Et pour une fois, je ne me suis pas amusée à faire des jeux de mots à ce sujet, mais je vous ai laissé choisir les morceaux qui vont passer ce soir. Et forcément, quand on parle de généalogie, on parle de parents. Le premier morceau, c'est vous, Simone, excusez-moi, qui l'avait choisi. Il s'agit du morceau « Mon père à moi » de Gilbert Bécaud, qu'on s'écoute tout de suite, et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. le revois assis sur son vieux banc de pierre, roulant sa cigarette au bout de ses 10 doigts. Il était simple et bon, et il était mon père, ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Il était menuisier du plus petit village qu'on rencontre là-bas avant le pays haut. Il m'enseignait la vie, comment on construit sa table, moi, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Je sais, il avait fait des bêtises. Certains soirs, il parlait du Moyen-Orient. Il avait même fait la valise. Mais il revint pour moi en pleurant. Il savait fabriquer des armoires aux lavandes où les jeunes mariés garderaient leurs draps blancs et où les vieux mariés rangeraient leurs légendes. Ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Oh, je sais, il a fait des bêtises. Certains soirs, il parlait du Moyen-Orient. Il avait même fait la valise. Mais il revint pour moi en pleurant. Je le revois debout, tel qu'il fut et qu'il reste, derrière l'établi de la pauvre maison, avec pour tout galon des copeaux sur sa veste. Ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzou 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez écouté à l'instant le morceau Mon Père à Moi de Gilbert Bécaud, toujours avec Simone Rémy-Chaplin et Françoise Baquet du Cercle Généalogique de l'Anglais Épinal. Et si un auditeur a envie de réagir avec nous en direct, hein, parce qu'on est en direct ce lundi 15 octobre à 18h17:53, vous pouvez sans aucun problème interagir avec nous en nous envoyant un message sur notre page Facebook Radio Guémouzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Juste avant la pause musicale, en fait, on avait dit à quel point la généalogie et les recherches généalogiques se démocratisaient et s'informatisaient, en fait. Et on avait fait un petit point sur la plateforme Philae. Je pense que c'est peut-être important de revenir là-dessus. Donc je vais peut-être vous laisser en dire plus, Françoise. Voilà, alors Philae est une plateforme qui permet de faire ses recherches donc de généalogie. Il suffit pour ça, il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'être adhérent à un cercle quelconque. Il suffit simplement de payer sa cotisation à Philae, et depuis chez vous, vous pouvez faire vos recherches. Est-ce que vous savez à combien s'élève la cotisation annuelle? Non, pas du tout. Simone peut-être saurait. Je sais que ça revient à peu près à 7 ou 8 euros par mois. Tout oui, simplement. J'allais dire, c'est si pas 60, prend un 60 abonnement, euros, quelque oui, chose comme on ça. On prend un abonnement pour 3 ou 6 mois ou un an, comme on veut. Et ça permet de faire ses recherches le soir à la maison, ce qui n'est pas négligeable. Oui, ça permet aussi, comme vous le disiez, de faire ses recherches soi-même, ouais. Et de rendre en fait la généalogie plus accessible. Comme vous l'aviez dit plus tôt, Simone, c'est important que la personne concernée fasse son arbre. D'ailleurs, j'y pense, on a l'Alsace qui nous écoute. On a un bonjour d'une auditrice qui s'appelle Zolveig. Donc Zolveig, bonjour à toi, très contente que tu nous écoutes. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et oui, comme vous disiez, cette plateforme Philae, vous n'êtes pas les seuls à l'utiliser. Vous êtes même un gros ensemble, si j'ai bien compris. Vous êtes très très nombreux. Oui, beaucoup de cercles généalogiques mettent leur relevé sur Philae, notamment la Lorraine, puisque nous on fait partie de la Fédération des cercles généalogiques vosgiens et aussi de l'UCGL, l'Union des cercles généalogiques lorrains. Et tous les cercles généalogiques, je crois qu'il y en a 24, travaillent et mettent leurs recherches sur Philae pour permettre aux gens de faire leur généalogie plus facilement. Voilà, encore une fois, ça démocratise les choses. Ça, c'est pour ceux qui veulent passer uniquement par Philae. Mais j'ai bien compris que c'est aussi possible de passer par vous, de travailler avec vous et d'avoir des coups de pouce quand ça ne va pas. J'ai vu d'ailleurs, vous avez une adhésion annuelle à 40 euros. Est-ce qu'on peut peut-être dire aux auditeurs à quoi ça correspond ? Merci Françoise, c'est 40 euros annuels. L'adhésion de 40 euros, c'est 20 euros pour le cercle généalogique et 20 euros pour l'UCGL. L'UCGL qui, elle, à la fin de l'année, nous en reverse 15. C'est-à-dire qu'il y a 35 euros pour le cercle local, je dirais. Et sur ces 40 euros, on peut dire que chacun est libre de venir autant de fois qu'il veut aux permanences. Autant de fois qu'il veut, s'il veut faire de la photo, il vient aux photos. Et il n'y a pas de restriction ni d'obligation d'horaire à respecter. On vient quand on veut, on s'installe sur un ordinateur, on fait ses recherches. Et il n'y a pas de souci. Et on est là pour aider, justement, les adhérents à faire leurs recherches. Parce que de temps en temps, ils sont un peu perdus, alors... Oui, ça se comprend. Et comme vous le disiez, d'ailleurs, je n'ai pas noté ça, les permanences. Je pense qu'on en reparlera peut-être en fin d'émission, de là où vous trouvez, quand, comment. Mmh. Mais comme vous le disiez, il y a quand même de l'argent qui vous revient parce que vous êtes aussi, après tout, une association. Il faut bien qu'elle fonctionne. Donc ça, c'est pour les adhérents. Mais pour ceux qui passent par Philae et qui tombent peut-être sur le fruit de vos recherches à vous, est-ce que vous êtes rétribués d'une certaine manière ? Oui. Je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passe, mais on a une rétribution. Chaque fois que quelqu'un va consulter nos données, on a une petite rétribution. C'est ce qui nous fait vivre, d'ailleurs. C'est ce qui nous permet d'acheter nos ordinateurs. Et... Bien entendu. Et comme vous avez parlé aussi de photos, c'est aussi une chose qui a fait que j'ai eu envie de vous faire venir, c'est que vous faites du scrapbooking, en fait, avec certaines photos pour illustrer les arbres, d'après ce que j'ai compris. Vous faites du scrapbooking, mais pas n'importe lequel, hein. Il y a du scrapbooking comme on connaît américain. Vous en faites un européen. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler, je ne sais pas, Françoise, ce qu'est le scrapbooking ? Écoutez, c'est la mise en page, c'est la mise en valeur plutôt des photos. Donc ça consiste à travailler sur des pages de papier un peu épais, si vous voulez. Ouais. Par ailleurs, on a des gabarits et on essaye de faire un montage, je dirais, de photos avec des décors ou des découpes particulières. Voilà. Et on le fait notamment pour les photos anciennes, justement, pour illustrer notre généalogie. Pour les mettre en valeur, comme c'est vous ça. Le disiez. Alors, on va parler dans quelques instants aussi à quel point le scrapbooking, ça peut prendre du temps, parce que je l'ai bien compris. Mais peut-être qu'un auditeur se demande, moi, c'est la question que je m'étais posée, hein, peut-être aussi parler un petit peu de moi, ce que je m'étais imaginé dans ma petite tête de loup. Donc, d'après ce que j'ai compris en discutant avec vous, la photo n'est pas une base pour la recherche généalogique. Je pense que c'est important de le dire. Je pense que la photo vient après. On fait d'abord la recherche généalogique et une fois qu'on a fait son arbre à peu près complètement, on éprouve le besoin de mettre des images sur tous ces ancêtres qu'on a. Bon, bien sûr, la photo, ça, il n'y a pas très très longtemps, hein, donc ça, on en a sur 150 ans à peu près. Donc ça fait tout de suite que 4 générations. Mais on a besoin de mettre des noms sur les photos et on a besoin de transmettre un petit peu notre généalogie parce qu'on fait une généalogie mais il faut la transmettre. C'est le but pour nos petits-enfants en principe. Oui. Donc on fait un album. On insère donc dans la généalogie, on insère des pages de photos avec nos ancêtres, branche par branche, avec les noms, le plus possible quand on peut et quand on les a parce qu'on ne les a pas toujours. Oui, c'est pas forcément non plus évident à trouver de savoir qui est qui, parce que ça, je pense que si beaucoup de personnes ont vécu cette situation, on trouve une vieille photo de famille, il n'y a pas de nom marqué. Vous savez, on a tous des tiroirs de photos anciennes ou qui sait. Bon, il y a pas toujours le nom au dos, hein. Malheureusement. Moi, il m'est arrivé une fois de trouver une photo ancienne, je ne savais pas du tout qui c'était. Et cette photo, c'était bizarre, elle était posée sur un carton d'un photographe qui n'avait rien à voir avec la photo. Donc j'ai décollé le carton et au dos de la photo, il y avait tous les noms et les âges. Les noms, les prénoms et les âges. Alors là, c'était fabuleux, une découverte fabuleuse. Vous voyez, il oui. ne faut pas grand-chose. Oui, en effet, il ne faut pas grand-chose. Et au final, parce que votre cercle aussi fait du scrapbooking, ça fait longtemps que vous vous êtes mise au scrapbooking ? Ça fait 5 ans à peu près. Donc en fait, depuis que vous êtes présidente ? Oui, on se réunit. C'est tout, ça fait partie du cercle généalogique, hein, mais c'est quand même une activité un peu à part. Parce que bon, on parle entre nous, on se donne des idées, on choisit les papiers ensemble, donc ça fait du bruit. Alors que la généalogie, ça ne fait pas tellement de bruit. On est sur son ordinateur et on ne bouge pas. Tout seul dans son coin. Donc on se réunit le jeudi toute la journée pour faire de la photo. Deux fois par mois. Ah oui, je pense qu'on rappellera bien entendu avec les permanences, mais c'est bien que vous le dites, donc deux fois par mois. Et pour faire du scrapbooking, je pense que c'est aussi important de le dire aux auditeurs, c'est une activité qui prend beaucoup de temps, n'est-ce pas Françoise ? Tout à fait, on fait disons une page pour une journée, hein, le temps de trouver le bon gabarit qui va avec les bonnes photos, les bonnes couleurs qui vont avec les photos, le décor aussi, donc on met facilement une journée et puis disons que on prend aussi du temps, hein, pour discuter, pour... Je ne dis pas s'amuser, mais enfin, presque. Oui, parce qu'après tout, c'est important aussi que ce cercle reste convivial. Tout à fait. Et je pense que ça vous permet aussi d'échanger entre vous. Est-ce que c'est arrivé, on va dire dans le meilleur des cas, qu'au sein de ce cercle, des personnes qui ne se connaissaient pas du tout se sont rendues compte qu'elles avaient des aïeux en commun ? Ah ben, c'est même souvent, parce que la dernière arrivée, c'est Agnès, hein, et qui ne connaissait absolument personne, d'ailleurs elle venait de Meurthe-et-Moselle, et elle s'est rendue compte que finalement c'était une façon de créer des liens. Et de rencontrer aussi des membres de famille très éloignés. Tout à fait. Et en parlant de membres de famille, hein, le deuxième titre qui a été sélectionné cette fois par Françoise, c'est un morceau de Nicolas Perrac intitulé « Et mon père ». Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wawa, c'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez, Aragon n'était pas un minet, Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles, et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerais. Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts. La pilule n'existait pas, fallait pas jouer à ces jeux-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même vous faisiez l'amour. Aujourd'hui, 2 salades, 3 tirades, c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son Eva l'avait accompagné. Des fois qu'il aurait voulu draguer, qui sait si là-haut il n'y a pas des folles. Et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait que viendraient mes cadets. Quand vous chantiez en ce temps-là, l'argent ne faisait pas la loi. Les hits parades n'existaient pas, du moins ils n'étaient pas de bois. Tu mettais des semaines et des semaines, parfois des années. Si t'avais pas de trip, ta boutique tu pouvais la fermer. Et traîner avait mis des années. Brassens commençait à en baver, et Beko astiquait son clavier. Monsieur Brel ne parlait pas encore des folles, et mon père venait de débarquer. Là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Et Juliette avait encore son nez, et Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé, au café de Flore y'avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer, là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Savez-vous que Radio Guimauzo est une radio associative, non commerciale, libre et indépendante? Alors pour soutenir notre radio, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook. En haut à droite, un petit bouton bleu, faites un don via la plateforme de LOASO. Don déductible des impôts, donnez ce que vous voulez à partir de 2 euros. Toute l'équipe de Radio Guimauzo vous dit merci. Merci! Merci! Merci! Merci à tous! Merci! Merci. Et vous êtes de retour sur Radio Guimauzo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez écouté à l'instant avant le clip promotionnaire pour LOASO. Enfin, je vais lui trouver un petit nom qui fera mieux. Mais c'était « Et mon père » de Nicolas Perrac, toujours à parler de famille, de généalogie, avec Simone et Françoise du Cercle Généalogique de l'Anglais. Et on a parlé, oui, on a parlé juste avant la pause musicale de Scrapbooking. Et d'ailleurs oui, on a dit que ça prend du temps de faire ces pages. J'imagine que chaque personne fait son album à soi aussi pour sa propre famille, ça va de soi. Oui, oui. Mais s'il y a une chose qu'on n'a peut-être pas vue, c'est comment dire, c'est à quel point vous ratissez large, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop pensé à demander sur quel secteur en fait vous travaillez au plus loin. Simone, vous pouvez me donner une estimation? Ben, on a des adhérents qui viennent de toute la France, puisque ceux qui ont des racines dans les Vosges et qui habitent loin n'ont pas toujours la possibilité d'aller faire leurs recherches, souvent aux archives départementales, pour ce qui n'est pas sur Internet, bien entendu. Donc, en passant par le cercle, nous, on se déplace et on va aux archives pour faire leurs recherches. Donc, ce qui nous amène des adhérents, bien sûr, même des adhérents étrangers. On a eu des Belges, on a eu un Canadien une fois. Donc, c'est pas restrictif, hein, c'est pas, on n'est pas un cercle local, si vous voulez. On est un cercle local, mais on a des adhérents sur toute la France. Voilà, c'est important de le préciser, voilà. À quel point c'est étendu, sans pour autant que les personnes ne travaillent qu'avec vous. J'imagine que c'est travailler avec vous pour chercher l'information sur le secteur dont elle a besoin. Voilà. Et voilà, parce qu'on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'émission, les gens bougent beaucoup en fait, migrent beaucoup. Je pense que c'est ce qu'on voit aussi maintenant beaucoup moins, mais avec les différences de langue, de dialecte et de choses comme ça, à quel point ça a bougé. Mais on va peut-être pas s'amuser à faire un cours de linguistique ce soir. Mais voilà, donc vous travaillez vraiment avec des personnes du monde entier, sous peu qu'ils aient besoin d'une information ou de trouver quelqu'un dans le secteur, on va dire, de l'anglais épinal. Exactement, et indépendamment de ça, il y a aussi des adhérents qui font des recherches dans d'autres départements. Voilà, ah oui, parce que, encore une fois, hein, les gens viennent vers vous, mais aussi les personnes du cercle vont ailleurs. Ou comme vous l'aviez dit, Françoise, vous avez des recherches à faire sur l'Allemagne, et vous, Simone, vous aviez fait des recherches sur l'Italie. Donc voilà, tout le monde bouge, et aussi c'est montrer à quel point c'est pas si figé que ça, en fait, la généalogie. Ah non, fait. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est, ça permet aussi de faire des rencontres ou de... Des rencontres, oui. des d'apprendre plein de choses. On découvre des noms de villages qu'on a jamais entendu, dont on n'a jamais entendu parler. Ça mène à vraiment beaucoup de choses. Il faut être très curieux et on apprend énormément de choses. Vous apprenez beaucoup de choses et vous les transmettez aussi, parce que s'il y a une chose de laquelle on n'a pas parlé, et j'ai pas le bras assez long pour les attraper en parlant dans le micro, c'est... Ah là là, ils sont lourds, c'est des livres, parce que vous en avez ramené. Bon, c'est pas tout, j'imagine, parce que j'arriverai pas à tout porter. Mais vous avez, enfin, le Cercle a publié... A publié quoi, en fait le fruit de certaines recherches ou des recherches thématiques, hein? C'est-à-dire qu'on est parti sur le principe que si on voulait faire chacun son album de famille, il fallait qu'on soit équipé. Donc on s'est équipé d'une relieuse et d'un massicot électrique. Donc on fait l'album, son album de A à Z, c'est-à-dire qu'on fait la mise en page, les photos, la reliure et l'édition par le fait. Hein. Mais on fait ça uniquement en petit tirage. Parce que aussi, ça a fait un petit peu ding dans ma tête. Vous avez aussi des machines, vous êtes équipé pour faire des choses vous-même. Oui, on est équipé pour faire nos choses. On est autonome, quoi. Complètement. Complètement autonome. Et c'est ainsi que vous en êtes venu à publier des livres et des revues aussi. Oui, on a publié des livres parce qu'on a quand même des adhérents qui font des recherches bien spécifiques. On en a un qui a publié, on vient de publier le dernier sur les verreries vosgiennes. On avait publié avant sur des sculpteurs de Damas au bois. Et indépendamment des livres, on fait aussi une revue par an qu'on donne à nos adhérents. Une revue de 70 pages. Et les articles sont fournis par nos adhérents, par celui qui aime écrire. Ça peut être des nouvelles, ça peut être... C'est souvent de l'histoire, des recherches locales. On a publié... Dans le dernier, on a l'histoire du loup de Frison. On a François de Neuchâteau aussi. Oui, dans le premier numéro, on avait François de Neuchâteau. Oui. On a parlé de Jules Ménil, on parle beaucoup de personnages. En principe, on essaye de faire un personnage célèbre, un village, une histoire. C'est un petit peu notre fil conducteur, si vous voulez, mais ça peut dévier aussi. Hein. Donc ça, c'est pour votre revue annuelle qui, d'ailleurs, je le dis parce que je l'ai entre les mains, fait quand même 70 pages, donc c'est pas un petit journal de pacotille, c'est vraiment un gros... c'est un livret, en fait, c'est un livret annuel du Cercle. Donc ça, il est accessible gratuitement pour les adhérents. Pour les adhérents. Et les non-adhérents, ils peuvent l'acheter pour 10 euros. D'accord, pour 10 euros. Ah bah voilà, c'est noté au dos. Et les autres livres, en ce qui concerne les autres livres, ils sont aussi disponibles à l'achat, même s'ils sont en petit tirage. Oui. Ça s'élève à combien environ les prix? Parce que là, je ne les vois pas. Si j'en vois un, 28 euros. Oui, en principe, c'est 28 euros. Voilà, pour financer, bien entendu, l'association. C'est, voilà. Ça se comprend, l'association, voilà. Le matériel. L'entretien surtout. Des machines aussi. Oui. Vu que vous avez dit que vous êtes autonome. Oui. Donc voilà, c'est pour que les rouages continuent de fonctionner. Et vous les vendez à des occasions diverses et variées, j'imagine. Bah dernièrement, on vient de faire le salon du livre à Taon, le grenier des mots. Donc on essaye de les diffuser un petit peu. Bon, bien sûr, on met ça sur notre site internet, sur notre page Facebook, et puis de bouche à oreille, hein, parce que vous savez, les livres comme ça, sur des recherches bien spécifiques, les gens en parlent et ils viennent nous voir, hein, vous avez publié ça, voilà. C'est uniquement le bouche à oreille, hein. On ne cherche pas à en faire commerce si on veut, mais on est content quand on a vendu 2-3 livres. Oui, ce que je comprends, et comme vous aviez dit, vous étiez au Salon du Livre les 13 et 14 octobre à la Rotonde à Taon-les-Vosges, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de contacts. Justement, on a vendu 3 livres, donc on est content. Et puis, on a même une nouvelle adhésion. Ah oui, donc là aussi, ça se passe. Ben, c'est le moment aussi de discuter. Voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, il y avait du monde au Salon du Livre ce week-end? Oui, il y avait du monde. Bon, bien sûr, avec ce beau temps, il y a peut-être des gens qui ont préféré aller dans la montagne au frais. Mais non, c'était très bien. Donc ça, c'est le moment où on a pu vous rencontrer ce week-end, mais il y a d'autres moments où on pourra vous rencontrer. D'ailleurs, je crois déjà les 20 et 21 octobre, donc ce week-end à Lunéville, c'est bien ça? Oui, ce week-end prochain à Lunéville, Donc ça, c'est un salon de la généalogie. Donc on va y trouver tout ce qui est en rapport avec la généalogie, avec le livre, avec l'histoire, bien sûr. Et on y passe donc 2 journées. Et là, on amène nos ordinateurs pour faire des recherches. Les gens viennent nous voir pour qu'on leur montre à faire des recherches. Pour, pour aider en fait les personnes à savoir comment faire leurs recherches. Vous l'aviez dit en début d'émission, et j'ai dû le rappeler une ou deux fois, il y a une méthode, une espèce de protocole à suivre pour bien s'y prendre. Oui, il y a une méthode qu'il faut impérativement utiliser. Bon, sinon, quand on a 500 personnes dans son arbre généalogique, on est vite perdu, hein. J'imagine. Donc ça, tandis que quand on cherche le numéro 427, ben on le trouve tout de suite. Et voilà, ça c'est concernant le salon de la généalogie, donc où on pourra vous trouver à Lunéville ce week-end. Et vous serez aussi à l'Anglais le 4 novembre, c'est ça Françoise? Oui, 4 novembre, à la fête de la truffe. Alors je crois qu'on est... la fête de la truffe se passe à quelque part à l'Anglais. Nous on fait notre... au cercle. Oui, on fait porte ouverte au cercle. Voilà, on fait porte ouverte au cercle. Ah, voilà, donc... Et la fête de la truffe se passe à l'Anglais. Donc, comme on est au niveau de la mairie, c'est tout autour de la mairie. C'est une fête qui se fait tous les 2 ans uniquement. Et ça fait à peu près une petite dizaine d'années que ça existe. On peut y manger de l'omelette à la truffe. Ah oui. Oui. C'est intéressant ça. Eh oui. En plus, vu l'heure, vous allez commencer à me donner faim. Et à donner faim aux auditeurs, hein, parce que c'est tout doucement l'heure de l'apéro. Donc des moments aussi où on peut encore une fois vous rencontrer, où on peut feuilleter, voire se procurer vos livres et vos revues. Oui. D'ailleurs, vous en avez publié un certain nombre. Les revues, je vois, vous en êtes à 7 pour janvier 2018. Donc, vous avez commencé en 2011, si le compte est bon. Et oui, les livres, vous en avez un certain nombre parce que là, j'en ai 4 en main. Vous en avez beaucoup d'autres ? On en a 2 de plus qu'on a fait sur Vincennes, mais là, c'est des livres purement généalogiques, c'est-à-dire que c'est des listes de noms. Là, on a reconstitué tout l'état civil et l'histoire des paroissiaux, donc c'est de la pure généalogie, ça, c'est que des listes de noms. On a fait ça sur le village de Vincennes, il y a 2 tomes. Et pourquoi spécifiquement sur le village de Vincennes, si le cercle est de l'Anglais ? Parce qu'à l'origine, quand on s'est créé, on était sur Vincennes. Ah, d'accord. Comme on était dans un local d'un particulier, il a bien fallu qu'on le quitte un jour. Voilà, donc on a trouvé un local à la mairie à l'Anglais. Donc voilà, les familles bougent et les cercles généalogiques aussi. Bougent aussi, voilà. Et oui, on le voit bien, ça. Mais juste pour revenir vite fait au temps de rencontre, parce que je ne sais pas si on le rappellera, peut-être une dernière fois, mis à part donc le Salon du Livre, Lunéville ce week-end et le 4 novembre pour la porte ouverte, vous êtes généralement présente sur d'autres événements tout au long de l'année ? Oui. Tout ce qu'on nous propose, on essaye de participer. Par exemple, au mois de juin, on a fait le salon de généalogie à Saint-Dié. Et cet été, on a organisé, avec 2 autres cercles, on a fait une exposition aux archives départementales sur la fin de la guerre 14-18. Alors, chaque cercle a fait des panneaux de sa région, hein, puisqu'il y a un cercle à Saint-Dié, un cercle à Charmes et un cercle là. Et nous, on a parlé de la famille Bourlier de Vincennes, justement. Dans votre dernière revue. Voilà, et on a parlé de ça aussi à l'exposition. Ah oui, c'est vrai. Non, je ne sais pas si c'est nécessaire de parler de l'implication ou l'impact de la Première Guerre mondiale ou des guerres, en fait, sur la généalogie. Si, ça compte beaucoup, les guerres sur la généalogie, hein, parce que... Vous avez vu, justement, pour la guerre de 14, vous avez vu le nombre d'hommes qui sont morts à la guerre de 14. Les femmes se sont retrouvées sans mari, les enfants se sont retrouvés sans père. Et il a fallu, il y a les pupilles de la nation, comme on appelle ça. Et on fait beaucoup les recherches militaires maintenant, parce qu'on peut avoir accès en ligne sur le site des archives départementales. On a accès aux fiches matricules, aux livrets militaires, si on veut bien. Donc on peut imaginer ce que nos grands-pères ont fait pendant la guerre de 14, parce que Je ne sais pas les autres, mais moi, le mien, il n'en a jamais parlé. Donc, je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait pendant la guerre. Et j'ai trouvé, avec sa fiche minute, sa fiche matricule, j'ai trouvé tout ce qu'il a fait, où il a été blessé. Je suis allée voir sur le site Mémoire des Hommes, qui est un site du gouvernement. Donc, je suis allée voir le journal de marche de son régiment. Et là, j'ai trouvé le jour où il a été blessé. C'est quand même une belle avancée, parce que je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait pendant la guerre de 14. Et il y en a combien comme ça ? Oui, combien qui refusent de parler de la guerre ? Ah oui, la guerre de 14, c'était terrible. Même 39-45, très personnellement, ma grand-mère ne m'en a jamais parlé, ou quasiment pas. Mais voilà, d'après ce que je vois, la guerre, ça reste un sujet difficile à aborder au sein des familles, et parfois la généalogie, surtout... Comme vous l'avez dit, quand les hommes ont intégré l'armée, ça a permis d'avancer un petit peu. Pour ces hommes qui, à cette époque-là, avaient peut-être dans les 20 ans. Mais après tout, on n'a pas tous les jours 20 ans, comme le disait Berthe Silva, qu'on s'écoute tout de suite. Et on se retrouve juste après sur Radio Guémoso. L'atelier de couture est en fête, on oublie l'ouvrage un instant, car c'est aujourd'hui que Marinette vient juste d'avoir ses 20 ans. Trottins, petites mains et premières ont toutes apporté des gâteaux, et Marinette offrant le porto, dit joyeuse en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite, c'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron nous ferait gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Le patron donne congé à ses petites, et comme le printemps leur sourit, à la campagne elles vont tout de suite chercher un beau petit coin fleuri. Dans une auberge en pleine verdure, elles déjeunent sur le bord de l'eau, puis valsent au son d'un phonneau, en chantant pour marquer la mesure. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. C'est le jour le plus beau de la vie, alors on peut faire des folies. L'occasion, il faut la saisir, payons-nous un petit peu de plaisir. Nous n'en ferons pas toujours autant, on n'a pas tous les jours 20 ans. Les amoureux de cette demoiselle sont venus le soir à leur tour, et l'on entend sous les tonnelles chanter quelques duos d'amour. Passant par là, prêtant l'oreille, un bon vieux s'arrête en chemin, à sa femme en prenant sa main, lui dit: souviens-toi ma bonne vieille. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse. De ce beau temps si vite passé, on n'en profite jamais assez. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans. Et vous êtes de retour sur Radio Guémoso 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups, et vous avez écouté à l'instant le dernier morceau de cette émission. On n'a pas tous les jours 20 ans, donc voilà. Si vous voulez toujours interagir avec nous, donc avec Simone et Françoise du Cercle Généalogique de l'Anglais, n'hésitez pas à tout instant, d'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure, à réagir en nous écrivant sur notre page Facebook Radio Guémoso, ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Ce sera toujours avec plaisir qu'on interagira avec vous le plus simplement du monde. On a discuté un petit peu hors antenne, et je pense que c'est important de revenir là-dessus. On a parlé de la guerre, en fait, de l'importance de la guerre dans les recherches généalogiques, parce que parfois, d'après ce que vous m'aviez dit, on peut mieux comprendre ce que nos aïeux ont vécu plutôt que de l'entendre par leur bouche, parce que ça reste des périodes difficiles, hein, des gros blocages. Et en fait, c'est tellement passionnant. En fait, je me rends compte à quel point la généalogie même modifie notre vision de l'histoire. En fait, il y a la vision très abstraite qu'on a quand on va à l'école et qu'on apprend avec, ben voilà, 16e, c'est la Renaissance, 1789, la Révolution. Mais on sait, enfin, techniquement, on le sait qu'on a des aïeux qui ont vécu à ces époques, mais ça reste tout à fait brumeux. Et j'imagine, enfin, je pense que vous pouvez témoigner parce que vous avez fait des recherches, ça donne une autre dimension à l'intérêt qu'on porte à l'histoire, n'est-ce pas, Françoise ? Tout à fait. C'est le... C'est-à-dire, une fois qu'on est dans cette logique-là, on a besoin de savoir. On a besoin de savoir et c'est absolument nécessaire de rechercher toujours plus loin. Positionner dans l'histoire. Il faut positionner dans l'histoire. Voilà. On a accroché au cercle toute l'histoire avec toutes les dates importantes. Oui. Et comme ça, on visualise mieux quand on arrive à... Ah, je ne sais pas moi, 1780, 1770 par exemple, on visualise tout de suite, c'est l'époque. Important ça, de remettre dans le contexte de l'histoire. Et de se dire, voilà, on a un membre de la famille qui a vécu à cette époque-là, qui a vécu ça, il y avait un tel contexte politique, il y a vraiment une grande dimension d'affect en fait au final. Oui, on se lie beaucoup plus d'affect avec l'histoire à ce moment-là. Vous savez, la généalogie mène beaucoup à l'histoire. Hein. On fait beaucoup de recherches historiques mélangées à la généalogie, mais du coup, ça nous réapprend notre histoire. D'ailleurs, maintenant je commence à comprendre, et vous l'aviez aussi dit hors antenne, c'est la raison pour laquelle c'est important que la personne fasse des recherches pour sa famille. Oui, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie, c'est ça ? Exactement. Donc, bien souvent, il y a des secrets de famille, il y a des choses qui se sont passées dans des ancêtres qui ont, disons, fait des bêtises, si on veut. Oui. Et c'est resté des secrets. Ces secrets sont lourds à porter pour les descendants. Donc, ceux qui font leur arbre généalogique découvrent la vie de leurs ancêtres et ils ont plus facile à repositionner tout ça dans le contexte. C'est très important de faire sa généalogie. Pour savoir ce que oui. sa famille a vécu à telle oui. époque, à tel endroit. Mmh. D'ailleurs, on le ressent, hein, oui. en le faisant. On vit en fait un petit peu à travers les lignes, à travers les papiers, ce que nos ancêtres ont vécu. Tout à fait. Oui, ah, oui. Ça doit vraiment oui. être quelque chose. Bah, dans les actes, on trouve déjà les métiers, ne serait-ce que ça. Mmh. Oui. Bon, dans la montagne, il y a beaucoup de cultivateurs, hein. Dans la plaine aussi, mais en dehors de ça, il y a quand même un tas de métiers. Et puis des anciens métiers qu'on redécouvre. Y a pas aussi quelque chose, ça peut avoir un lien. Les noms de famille qu'on porte parfois ont aussi une certaine origine par rapport au métier que faisaient nos ancêtres. Oui, au métier, ou au prénom, ça a toujours un rapport. Là, dernièrement, dans la prochaine revue, justement, on va passer un article où on a trouvé une généalogie avec tous les surnoms. Parce que dans le temps, ils avaient un nom, un prénom, mais un surnom. Alors vous savez, quand il s'appelle Pierre, par exemple, de nom de famille, le père s'appelle Jean, le grand-père s'appelle Jean, donc l'oncle s'appelle Martin, donc vous avez Pierre, Jean, Jean, ou Pierre, Jean, Martin, mais tout ça en patois vosgien. Ah oui, donc, et c'est intéressant. Oui, en effet. Et on fait le rapport entre le patois et le nom, ou simplement le lieu dit où ils habitent aussi. Oui, donc aussi déjà l'importance du lieu et de la langue aussi, vous l'avez dit. Vous savez, par exemple, quand on fait les relevés sur une commune, par exemple, dernièrement, Françoise a fait Bellefontaine, et ben, il doit y avoir une quarantaine de lieux dits à Bellefontaine. Et ça, on en a. Et là, on a découvert. Enfin, j'ai découvert. Oui. Ben, on vous écoute, Françoise. Vous avez découvert quoi ? Eh bien justement, les lieux-dits, et on a même poussé la plaisanterie à faire une sortie avec le cercle. Un jour, on est allé repérer, enfin pas tous, mais une partie des lieux-dits sur Bellefontaine. Oui. Alors on parlait toujours de Mailleron Fin, de La Trottelée, du Pont Poirot, et on ne savait pas où ça se situait. Et finalement, quand on va sur place, on s'aperçoit que finalement Bellefontaine est très étendue. Les hameaux sont très dispersés. Bon ben ça, si j'avais pas fait de la généalogie, je l'aurais pas su quoi. Ça amène à être très curieux. Ça amène aussi à d'autres choses, donc même pas que les familles. Absolument, vous l'avez dit. Tout à fait. Donc c'est plutôt de la, je crois, typographie ou géographie, enfin. C'est ça. Des choses comme ça, c'est vraiment. J'ai fait des recherches, par exemple, sur la maison où je suis née à Chantraine, pas loin d'ici. Bon, je suis née là-haut, je ne savais pas, j'ai voulu savoir quand la maison avait été construite, comment ça s'était passé, j'ai retrouvé. Et si elle a toujours appartenu à votre famille Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est tellement passionnant, donc s'il y a peut-être un auditeur qui a envie en fait de se plonger de cette autre manière dans l'histoire, parce que c'est faire partie de l'histoire. Et d'ailleurs, je le rappelle brièvement, vous faites aussi partie de la Fédération des sociétés savantes vosgiennes. Voilà, c'est placé comme ça, histoire qu'on sache que tout est lié, c'est un grand réseau. Donc s'il y a un auditeur qui a peut-être envie d'en savoir plus sur lui, de faire des recherches sur sa famille et sa généalogie, j'imagine que le plus simple, c'est de vous contacter pour pouvoir adhérer. Oui, absolument. Ils peuvent nous contacter par téléphone et venir nous voir, bien entendu. On a des permanences 2 fois par semaine, le mercredi après-midi et le samedi. Après-midi, de 14 à 18 heures. Donc, c'est le premier et le troisième mercredi. Oui, le premier et le troisième mercredi, en principe, sont réservés à la généalogie. Parce qu'il faut bien que les autres mercredis, on fasse nos réunions et notre travail pour gérer tout le cercle. Bien sûr. Et oui, comme on le disait, donc ça, c'est les moments, les permanences, comme vous le disiez. Vous pouvez les rappeler mardi et samedi. Non, mercredi et samedi. Oui, mercredi, samedi, de 14 à 18 heures. Voilà, donc les après-midi. Et où est-ce que vous vous trouvez dans l'anglais ? Parce que les au-dessus gens de la... Pardon, au-dessus de la mairie. Donc là, on vous trouvera aussi le 4 novembre à l'occasion de votre journée porte ouverte. Je le rappelle, l'adhésion est de 40 euros pour la totalité des... ça regroupe tout, c'est ça ? Donc ça regroupe le bulletin annuel de toutes 60 les activités, pages. Oui. Voilà, ça oui. regroupe vraiment tout. Et j'imagine aussi l'accès à la plateforme Philae. Bien sûr. Donc voilà, c'est un tout pour un an, pour pouvoir retracer sa famille, en plus d'être dans un groupe, j'imagine, convivial et d'avoir des aides, hein, des passerelles pour faire des recherches sur sa famille. J'y pense. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il fallait peut-être qu'on transmette ? Parce que je vois mes notes et je pense qu'on a fait le tour. Apparemment, on a parlé de tout. Donc, nos prochaines activités, vous l'avez dit, c'est donc le salon de Lunéville, oui. le week-end prochain, et puis la fête de la truffe à l'anglais le 4 novembre. Donc voilà, tout sera de toute façon répété dans le billet de sortie, vu que vous m'avez donné des informations qui seront affichées dans mon tableau. Donc pour les auditeurs que ça intéresse, on se retrouvera les vendredis pour en savoir plus, comme d'habitude. Et bien oui, je pense que si on a donné les informations nécessaires, peut-être pas, non, si, les sites internet et numéro de téléphone. Donc vous avez parlé de numéro de téléphone, lequel faut-il donner ? C'est égal, parce qu'il y a le numéro de téléphone du cercle, le fixe, et il est souvent basculé sur mon portable, donc je réponds toujours. Et on peut peut-être donner le fixe, donc ça doit être le 03 29 67 45 56, c'est bien c'est ça. Et sinon, si on veut vous trouver, donc vous avez un profil Facebook. Bon, après j'ai compris, vous n'êtes pas très actif dessus. Pas trop encore, c'est pas... J'ai pas encore trop l'habitude de Facebook, mais bon. Tout le monde est sur pas notre obligé. Site internet, il y a une page de contact. Donc, justement, oui. Généalogie-langlais-épinal.com, mmh. Qui sera indiqué en podcast. Hein. D'ailleurs, si vous voulez voir quelques scraps qu'ils ont fait, c'est dans l'onglet scrap aïeux, donc aïeux pour ancêtres, qu'on trouve assez facilement. Et sinon, par courriel hein, au cgle88@orange.fr. Donc là, je pense que les auditeurs ont toutes les informations nécessaires pour vous trouver. Et qui dit déjà, oui, va être 19h. Donc avant de se dire au revoir pour de bon, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est déjà l'heure de faire la programmation de la soirée. Et comme on est lundi, on se retrouvera à 20h avec François pour le calendrier des esclavages et des libérations. Et sinon, on se retrouvera demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion que vous avez écoutée à l'instant. Aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tous les systèmes d'exploitation, ça fonctionne. Et comme demain c'est mardi, ce sera suivi des minutes bonheur de Lia et enfin de la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et sinon demain, on va se retrouver pour parler festival avec le Festive Arche. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais voilà, on se retrouve en plus en direct encore une fois pour en savoir plus sur ce festival musical. Enfin voilà, ça c'est toutes les informations nécessaires. Et pour ceux qui veulent retrouver le podcast, c'est vrai que j'ai dit comment c'est trouvable, mais pas où. Donc comme d'habitude sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, émission et rediffusion, rubrique L'heure des loups, tout sera indiqué avec les différents sites internet, hein, tout sera indiqué dans le podcast et sur Facebook. Je pense que les auditeurs ont l'habitude pour piocher les informations. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on avait à dire sur le cercle l'anglais généalogie. Je pense qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps à discuter de famille, d'histoire et tout ce qui va avec. Mais comme je le disais, tout doit malheureusement avoir une fin. Dans tous les cas, Simone et Françoise, merci beaucoup pour ce temps passé avec vous, c'était très agréable. Merci à vous pour votre invitation. Mais de rien, et merci aussi aux auditeurs, donc merci les Vosges et merci l'Alsace d'être si assidus. Donc c'est avec plaisir qu'on se retrouvera demain, même heure, sur le 107 ou via Radio Line. Dans tous les cas, bonne soirée à tous. Bonne soirée.